Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Walter Bonatti, La signature effacée, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite et réalisée par Michel Sidorov. Un touriste qui lui demandait pourquoi il gravissait les montagnes, le grand alpiniste britannique Mallory déclara « Bien parce qu'elles sont là ». C'est ce qu'on appelle la force de l'évidence. Mais aujourd'hui, face aux écroulements de parois de plus en plus fréquents et importants, une question s'insinue. Est-ce qu'elles seront encore là dans 10 ans, dans 20 ans, telles que nous les connaissons, ces montagnes, telles que les ont connues à peu de choses près nos aînés? En ce dernier vendredi de juin, et avant les vacances d'été, nous vous proposons une fiction sur ces montagnes et sur un homme, une légende de l'alpinisme, avec un palmarès inouï et de nombreuses victoires, des grandes Jorasses au Cervin, en passant par le Nevado rondois, dans les Andes, c'est Walter Bonatti. Dès 1955, il gravit le Dru, un sommet dans le massif du Mont Blanc. Or, ce pilier sud-ouest du massif est une sacrée paroi. Après cette ascension, il est donc devenu le pilier Bonatti. Mais le Dru a quasiment disparu lors du dernier écroulement en 2005. Walter Bonatti y avait donc signé son plus célèbre exploit en solitaire. Là-haut, il allait retrouver également l'énergie pour combattre les calomnies qui s'étaient répandues sur lui après l'expédition italienne au K2 en 1954. Puis, retiré de l'alpinisme de haut niveau depuis 1965, après son ascension en solitaire de la face nord du Cervin, Walter Bonatti a pris du recul avec une pratique devenue une activité de spectacle et de tourisme. Bonatti meurt à Rome le 13 septembre 2011. Pourquoi cet homme, alpiniste téméraire mais critiqué, a-t-il mis fin à sa carrière d'alpiniste en 1965 et exactement pourquoi devint-il reporter et explorateur? Pour répondre à ces questions et cerner un peu mieux la personnalité de cet alpiniste hors du commun, nous recevrons après la fiction Charlie Buffet, journaliste et éditeur, grand amoureux des aventures en montagne, et il a interviewé Walter Bonatti. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Walter Bonatti, La signature effacée. Scénario radiophonique et géologique de Michel Sidorov. La poussière est retombée. Parfois, ça prend du temps, plusieurs jours. Comme au Diableret, en Suisse, il y a bientôt 300 ans. Je ne sais pas si c'était le même phénomène. Peut-être pas. Mais cela a marqué les esprits. Et Ramu en a fait un beau roman d'Herborance. Vous connaissez ? Non. Lisez. Lisez. C'est important, Ramu. Il a influencé Giono. Vous êtes un guide de haute montagne un peu intellectuel, non ? Il y en a plus que vous ne pensez. Et de nombreux alpinistes sont ou ont été de bons auteurs. Comme Roger Frison-Roche. C'est le plus connu, oui, mais je pensais à Rébuffa, à Lionel Terré. Tenez, Walter Bonatti. J'aimerais revenir au sujet. J'enquête sur les éboulements et les écroulements qui se sont produits depuis quelques années dans le massif du Mont Blanc, comme à l'Aiguille du Midi ou ici, au Dru. Ce sont des événements probablement liés au réchauffement climatique. Et nos lecteurs ont hâte de comprendre. La planète vit un véritable drame actuellement. Oui, et un peu de mise en scène ne fait pas de mal, n'est-ce pas ? Oh. C'est bien normal. Mais, voyez-vous, cet éboulement au Dru nous ramène d'abord à un autre drame. Celui de Walter Bonatti. Un drame qu'il n'a pu surmonter que grâce au Dru. Il faut imaginer Bonatti là où nous sommes. Observant, avec ou sans jumelles, la paroi sud-ouest du Petit Dru, un peu dérobée, proposant les lignes si pures de son granit ocre, cette pierre dorée, la protogine, qui forme des grands pans et où les seules lignes de faiblesse à exploiter sont des fissures verticales très athlétiques à remonter. En lieu et place de cette roche, là où se trouve le pilier sud-ouest, il n'y a plus qu'une pierre grise. dont on a l'impression qu'elle recouvre d'autres couches de granit, prête elle aussi à s'écrouler. Bonatti est revenu ici constater les dégâts après le dernier éboulement? Je ne sais pas. Bonatti est venu ici en 1955 signer un exploit impensable à l'époque. Le pilier sud-ouest en solitaire. Dans l'esprit tout à fait chevaleresque qui lui est propre, il s'imposait une épreuve pour lui-même et aux yeux du monde. Après les calomnies qu'il avait subies au retour de l'expédition au K2 en 1954. Ce pilier, c'est un peu comme s'il l'avait construit, façonné avec ses souffrances, avec les risques insensés qu'il a pris pour en franchir les difficultés. Revenir ici, 50 ans plus tard, pour constater que sa signature a été effacée. Tu rimani qui tranquillo. Et fatica sprecata, peine perdue. Ton sac ne risque pas de rouler vers le glacier, il est bien trop lourd. Et encore, j'en ai vidé une bonne partie au montant vert. Des pitons plutôt que des vivres. Voilà, il m'attendra ici jusqu'à demain matin. Toujours ça de moi à porter depuis le refuge. J'ai toujours le Tokiwoki que tu as viré. Tu es sûr que tu ne veux pas le prendre? Ça me rassurerait de pouvoir communiquer avec toi. Le dru est vraiment dangereux. Le 25 juillet, quand tu as tenté le pilier avec Maori, Ojioni et Ayatsi, Ojioni a été blessé par une pierre. Ça parpine souvent là-haut. J'ai bien réfléchi. Le Tokiwoki représente pour moi une compromission. Ne m'en veux pas, Paolo, mais ce n'est pas la manière dont je veux affronter la montagne. Tu vois un passage pour demain matin à travers toutes ces crevasses? Je devine, oui. Le glacier de la Charpoix est déjà tout en glace. Pour un mois d'août... Et tu devras traîner derrière toi les 30 kilos de ton sac. Oh, regarde! Un papillon sur la glace. La chaleur du jour l'aura porté jusqu'ici. Avec la nuit et le gel, il va mourir. Hop, hop. Je vais le monter au refuge. Il se réchauffera, comme nous. C'est toi qui auras le plus besoin d'emmagasiner de la chaleur pour affronter le dru. Il n'y aura personne pour s'occuper de toi. Depuis l'affaire du K2, j'ai dû apprendre à me passer des autres. Trop de défiance. Il faudra combattre pour faire admettre ma vérité. Et pour cela, je dois d'abord me mesurer à mes propres yeux. Andiamo. Enzo. Les montagnes s'écroulent, c'est le grand dégel. Et au lieu d'interroger tous ceux qui sont concernés aujourd'hui par le phénomène, les élus de la vallée, les directeurs d'hôtels, le syndicat des guides... Me voilà fasciné par l'affrontement d'un homme avec une montagne qui n'existe même plus aujourd'hui dans l'état où elle se trouvait en 1955. Drôle d'enquête. René m'a confié une documentation très riche pour mon sujet. Je l'ai suivi dans son chalet d'argentière, d'où l'on a vu sur les drues et derrière eux le sommet de l'aiguille verte. Vous lisez l'italien? Ma grand-mère était bergamasque. Comme Bonatti? Elle ne parlait pas que le dialecte de Bergame, ça m'a donné envie d'apprendre l'italien. Alors, je vous confie la dernière édition italienne du plus célèbre livre de Bonatti. À mes montagnes, 1983. Vous y trouverez une grande planche photographique des drues, pliée en accordéon. Les mie montagne. La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere onesto con me stesso e con quello che facevo. Se praticata in un certo modo è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera, come non accade sempre nel quotidiano. La montagna m'ha appris à ne pas tricher, à être honnête avec moi-même et avec ce que je faisais. Pratiquer d'une certaine manière, c'est une école dure, certes, parfois même cruelle, et cependant empreinte d'une sincérité qu'on ne rencontre pas dans le quotidien. Magnifique. La photo date des années 80. Un très beau noir et blanc. Vous reconnaissez ce que vous avez vu ce matin? Pas du tout. C'est comme si on avait retouché une photo des drues. La roche est presque partout plus foncée. Ça doit correspondre au rouge de la protogine. Tenez, c'est une photo du pilier sud-ouest du dru, avant 2005. Mais après 1955. J'ai dû la prendre en 1998. Il n'y a pas beaucoup de photos de ce pilier dérobé et ça vaut la peine de comparer l'état de la montagne avec ce qu'on voit dans le livre de Bonatti. L'aspect est déjà très différent. Les cicatrices des écroulements ne sont pas du tout les mêmes. C'est là que Bonatti a choisi de se mesurer à lui-même. Et peut-être aussi de commencer à régler ses comptes avec les responsables de l'expédition italienne au K2 en 1954. Pas exactement. Accusé injustement d'avoir abandonné Campagnoni et Lacedelli sous le sommet, de ne pas leur avoir fourni l'oxygène nécessaire, Bonatti mène bataille. Cela ira très loin, jusque devant les tribunaux. Et cela durera 20 ans au moins, à cause du patriotisme qui entoure la victoire au K2, comme pour celle de l'Annapurna en 1951 avec Herzog. Tout chevaleresque qu'il est, Bonatti ne s'impose pas une épreuve afin de clamer son innocence, non. Il a besoin de s'éloigner des autres, de ce milieu alpin où grenouillent patriotes et commerçants. Tout se passe comme s'il puisait dans ce genre d'épreuve en solitaire l'énergie pour combattre. Car il est hanté par la trahison qu'il a subie. Peut-être même que cette nuit où il dort au refuge de la Charpoix, des scènes douloureuses vécues à plus de 8000 mètres, dans cette fameuse zone de mort, lui reviennent en rêve. Il a passé là de longues et effrayantes heures en compagnie d'Abraham Galotti et de Mahdi, un de ces Hunza du Pakistan, qui sont l'équivalent des Sherpas du Népal. Encore 5 mètres et nous aurons franchi le mur avant la barrière de Sérac. Et nous devrions trouver le camp neuf. Where are the others, Sahib? I don't know. Il faut monter un peu plus haut sans doute. Regarde, les traces dans la neige qui s'élèvent vers les Sérac. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ne sont pas à l'endroit prévu. Je comprends pas. Compagnoni et Lacedelli voulaient peut-être voir le sommet de plus près et planter la tente plus haut. Ce n'est pas ce qui avait été décidé. Et c'est nous qui leur montons les bouteilles d'oxygène dont ils ont besoin. Oi! Achille! Lino! Dans l'assiette! Oh! Hey! Oh! Hey, Sahib! Ike Fatmans! Ike Fatmans! Abraham, tu comprends ce qu'il dit? Oui. Il dit: nous sommes abandonnés. C'est pas le moment de craquer. Il faut l'encourager. Allez! Skalt, Mahdi! Skalt! Hilkus! Leur tente est peut-être là, derrière ce gros rocher. Nino! Achille! Où êtes-vous? Dans mes siettes! Où avez-vous planté la tente? Dans mes siettes! Mahdi, Abraham, attention aux crevasses. Corde tendue, corde tendue. Ok, Sahib. Mon pied. Ne bouge pas, j'arrive. Mon pied. J'arrive. Tu le sens? Tu le sens? Oui. Il commence à me faire mal. C'est bon signe. Tu dois redescendre. C'est fini pour toi. Sinon ton pied va y rester et toi aussi. Bien. D'accord. Je crois que je n'aurais pas pu porter la bouteille d'oxygène plus loin. Rendez-vous au camp 8. Faites gaffe, les gars. Et toi, attention aux crevasses un peu plus bas. Et au mur de 30 mètres. Oui. Allez, on y va. Chayoruncus. Chayoruncus. Cold. Cold, ça y est. Fredo. Toi aussi. Mais où ils sont allés se fourrer? Dans une grotte? Une crevasse? Dans une demi-heure, il fera nuit. Emma, dit et moi, qui ne partageons que quelques mots. Corde tendue, du mou, sec, j'ai faim, j'ai froid, on y va, etc. Abraham, lui, il a pris le Hunza. À qui il est? Lino! Où êtes-vous? Dove siete? Répondez! Répondez! Nous portons l'oxygène dont ils ont besoin pour le dernier assaut. 19 kilos. Il suffirait de tourner le robinet pour respirer un peu mieux. Même si nous n'avons pas les masques et les détendeurs qui sont dans les sacs de Compagnoni et Lacedelli. Et cela ne durerait que 2 ou 3 secondes. Bikum nikal yakaldan sahib. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vers le sommet? Tu dis qu'ils sont allés vers le sommet? Akile et Linotan? Awa sahib. Awa. Impossible! L'oxygène! L'oxygène! Sans oxygène, ils ne peuvent monter au sommet. Et c'est nous qui leur apportons l'oxygène dont ils ont besoin. Oh! Hey! Oh! Hey! Dafatan Grenman! Oh! Dafatan Grenman! Oh! Oh! Oh! Mali! Mahdi, calme-toi. Calme-toi, tu vas t'épuiser. Quoi? Jusque dans mes rêves. La Cedelli, compagnoni. Traître, salaud. Il colle à mes pieds comme de la neige humide. Si je peux vaincre ce pilier sud-ouest, je pourrais les ramener à ce qu'ils sont. Des menteurs. Des corbeaux patriotes. Comme ceux qui saluaient Mussolini. Mon père, lui, ne l'a jamais salué. C'est peut-être ça qui me poursuit. Déjà levé, Paolo? Tu n'as pas les mêmes obligations que moi. Tu pouvais dormir encore un peu. Je n'aurais pas pu. Tu avais un sommeil tellement agité. Tu appelais. C'était les noms de tes ennemis du K2. Et puis, il y avait Mahdi dans ton rêve. Je revois sans cesse ce moment où j'ai découvert à plus de 8000 mètres que Compagnoni Lacedelli n'était pas au lieu de rendez-vous. Il s'était installé plus haut, plus près du sommet. Il nous entendait, mais il ne répondait pas. Avec Mahdi et Abraham, nous portions l'oxygène dont ils avaient besoin depuis le camp 8. Je sais tout cela. Ce n'est pas bon de ressasser. Tu vas aux Dru aujourd'hui. Ton thé est prêt, avec le pain et la confiture. Le gardien nous avait préparé ça hier soir. Tiens, le voilà. Salut les gars. Tout va bien? Oui. Merci pour le thermos de thé et les tartines. J'ai encore réfléchi sur l'approche du pilier. Tu as raison de le rejoindre en rappel depuis les flammes de pierre. C'est sûrement encore tout verglacé dans le grand couloir d'accès, avec la pluie de ces derniers jours. Ouais. Et puis cet entonnoir est le réceptacle de tout ce qui tombe d'en haut. Il y a un mois, tu le sais, avec Andrea Ogioni, on a essuyé un vrai cataclysme. On était sur la vire que j'appelle celle des coins mystérieux. Là où on voit une trace de tentative, avec des coins de bois qui sont restés en place. Des tonnes de rochers sont tombés de plus haut, du côté de ce qu'on appelle le lézard. Ciao Paolo! Grazie di tutto! de cette brèche des flammes de pierre. Je dois descendre en rappel jusqu'au bas du pilier. Une descente sans retour possible. Mon entreprise n'est pas folle, mais elle est très difficile. Je ne sais pas ce que je trouverai dans cette ascension. Ou plutôt si, je dois me retrouver moi-même. Après toutes ces calomnies que j'ai subies au retour du K2, en route. À un touriste qui lui demandait pourquoi il gravissait les montagnes, le grand guide Gervasutti déclara « parce qu'elles sont là, la force d'une évidence ». Aujourd'hui, une question s'est insinuée en nous. Est-ce qu'elles seront encore là dans 10 ans, dans 20 ans, telles que nous les avons connues, telles que les ont connues à peu de choses près nos aînés, nos aïeux? René, lui, se demande si nous aurons encore envie d'y aller. L'homme moderne a vécu jusqu'à présent avec la sensation que son environnement demeurait assez stable sur l'échelle géologique. Avant lui ou après lui, il pouvait bien y avoir le déluge. À présent, le déluge et les cataclysmes sont sous ses yeux. Ah, mon doigt! Ah, je me suis éclaté le doigt! Ah, mais faut que j'atteigne cette plateforme au-dessus! Ah, il commence à pleuvoir! Au moins avec cette pluie, je vais pouvoir calmer ma soif. Il y a pas mal de neige sur les vires de rochers. Mais je n'ai pas de réchaud pour la faire fondre. Ce doigt. Un peu de rhum pour désinfecter et une gorgée pour dormir. Yunikisu Ike Fatmans Yunikisu. Je comprends rien, Mani. Akile! Lino! Montrez-vous! Eliar, Salim. Eliar. Une lampe. Ils sont plus haut. Akile! Tu ne voudrais pas qu'on reste toute la nuit dehors à se geler pour toi? Vous avez l'oxygène? Laissez les bouteilles! Impossible! Mardi est devenu fou! Lino, réponds! Achille! Réponds! Rispondete! Bastardi! Walter! Walter! Saïm Arfuzos! Fuzos! Je devine, man! Je devine! Les lâches! Ils le paieront. Il faut essayer de s'abriter. Allez, bouge. Creuse avec moi. Ne gèle pas sur place. Creuse. Allez, bouge. Les saïbs sont pourris, pourris, répète Mahadi, qui a sombré dans le désespoir. Bonat, il le tient à bout de bras. Face à l'adversité, qu'il s'agisse des éléments naturels de sa propre peur ou des trahisons des hommes, Walter Bonat est un mélange rare d'énergie, de réflexion et d'audace. À 8100 mètres, en pleine zone de mort, comme on appelle tout ce qui se trouve au-delà des 7500 mètres, là où le bivouac est quasiment interdit, Bonat y improvise un abri pour lui et Mahadi. Au matin, il laissera les bouteilles bien en évidence pour Compagnoni et Lacedelli qui s'en serviront, contrairement à ce qu'ils ont voulu d'abord laisser croire. Une photo en atteste. Mais il leur fallait calomnier Bonatti pour couvrir leurs mensonges, prétendre que lui et Mahadi avaient utilisé l'oxygène, alors que ces deux infortunés n'avaient pas les détendeurs, en possession des deux autres. À la trahison s'ajoute toujours la trahison. L'énergie pour vaincre une telle adversité, aider Mahadi à redescendre au matin, c'est celle que Bonat y trouve pour surmonter un passage qui se présentait comme infranchissable aux drues, un passage entièrement lisse qu'il lui fallait contourner par une série de pendules. Ses amis, dont l'un était chargé de prendre des photos au téléobjectif, l'observent sous le glacier du Dru. Qu'est-ce que tu vois dans tes jumelles? Il lance une corde assez haut, vers un petit groupe d'écailles. Il a fait une espèce d'amas de nœuds, une sorte de grappin. Toute cette partie est tellement lisse, il faut qu'il cherche ailleurs une faille, une fissure pour grimper. S'il échoue, je ne sais pas comment il pourra redescendre. Ça me paraît impossible. Il est fou. Et il n'a pas réussi. Tiens, prends les jumelles, je vais sortir le téléobjectif. Une veine de quartz? Impossible. Ah, faut que je réussisse à placer un coin de bois dans cette sorte de cheminée et y accrocher mon étrier. Ça tient. Faut que je libère mon anneau d'auto-assurance. Je vais devoir grimper en escalade totalement libre dans cette fissure bizarre. Ça se termine en surplomb. La corde se coince en bas. Faut que je tire la corde avec mes dents. J'en peux plus. J'en peux plus. Quoi? Quoi? La roche est toute tendre. On dirait de la craie. Ça ira. Ah, j'ai perdu un étrier. Il a perdu un étrier. J'espère qu'il lui en reste suffisamment. Oui, c'est pour ça que son sac est si lourd. Il redescend jusqu'à son sac maintenant. Il va encore devoir réaliser 2 pendules pour atteindre le fil du pilier. Il y arrivera. J'ai confiance. Ce sera le pilier Bonatti. Cette partie pourrie de la roche, j'étais mort. C'est comme ça sous le granit. Toutes ces grandes plaques si belles pourraient tomber alors. Comme des roches pendant le dégel. Ah putain. Mes mains sont en sang. Ah. L'heure du repos. Et du bivouac. Je sens que je vais vaincre le pilier du Dru. Que plus rien ne m'en empêchera. Et je sens que j'ai passé de bien plus lointaines et invisibles frontières. Je sais que j'ai franchi la barrière qui me séparait de mon âme. Je sens que le nœud que j'avais à l'intérieur de moi-même s'est enfin délié. Bonatti, depuis son dernier exploit, la face nord du Cervin en solitaire en 1965, s'est éloigné de l'alpinisme extrême pour se lancer dans l'exploration des régions du monde encore méconnues. Son pilier du Dru a quasiment disparu en 2005. En est-il si désolé que cela? Je l'imagine en compagnie de Rossana Podesta, sa compagne, dans leur maison proche des Grignes, où Bonatti a commencé l'escalade un peu fortuitement. Rossana est une actrice de cinéma qui a une carrière importante en Italie et en Amérique. Leur rencontre, alors qu'ils entamaient la seconde partie de leur vie, fut d'un romanesque et d'une poésie qui mériterait un récit à eux seuls. Leur complicité est totale, jusque dans les expéditions qu'ils ont menées ensemble, dans des conditions souvent difficiles et dangereuses. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Caro, il y a beaucoup de commentaires sur la catastrophe du Dru dans la revue du Club Alpin. Nous pourrions faire un tour à Chamonix. Tu prendrais des photos et tu proposerais un article au Club Alpin. Amore, même si le Club Alpin italien m'a rendu justice pour le K2, je leur donne le moins possible d'articles. Je garde mes distances. Tous ces clubs officiels, club alpin italien, club alpin français, ont été fondés sur des bases nationalistes. Le club alpin français, en 1874, en pleine préparation revancharde de la guerre avec la Prusse, avait pour devise « Par la montagne, pour la patrie ». Je suis un peu comme Lachenal, qui a perdu ses pieds à l'Annapurna, et qui a écrit « Je ne devais pas ma jeunesse à la grandeur française ». Il avait d'ailleurs été censuré par Herzog. Maurice Herzog, l'alter ego d'Ardito Desio Cadeux. Mais le Dru, il t'appartient un peu, non? J'ai signé mon passage, c'est tout. Je n'ai pas signé un acte de propriété. Et puis, la signature est effacée à présent. Écrit sur du vent, pour parler d'un film que tu aimes. Et où j'aurais tant aimé jouer. Ta signature, elle est dans tes merveilleux livres. Ceux qui m'ont donné envie de te rencontrer. Elle est dans ta voix, quand tu me parles. Tu aurais pu jouer dans le meilleur film que Monica Vitti ou Gina Lollobrigida. Mais tu n'as pas voulu jouer des coudes. Moi non plus. La compétition qui commençait, c'était pas pour moi. Je reste avec mon Dru et mon Servin. Ils peuvent bien s'écrouler. Ils vivent en toi. Et je t'y rejoins. Possono anche crollare. Vivono in te. Ed è là che ti raggiungerò. C'était Walter Bonatti, La signature effacée. Scénario radiophonique et géologique de Michel Sidorov. Avec Sylvain de Guillam, Georges Kless, Étienne Galarague, Slimane Yevsa, Léo Dusselier, Pierre Puy, Lorenzo Lefebvre, Vittoria Scognamiglio, Marc Léonian. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage Pierre-Henri, Stéphane Desmonts. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidorov. Affaires sensibles, la fiction. L'expérience himalayenne a marqué beaucoup ma vie. Ma expérience K2 a été une chose et l'Himalaya c'est une autre chose. Je suis retourné là-bas. L'expérience de K2, il a déterminé une mentalité, une philosophie. Et ça semble un paradoxe. Je dis merci à cette expérience négative parce qu'ils m'ont aidé à me construire. Aujourd'hui, on va à 8000 mètres avec beaucoup de facilité. La technique, il a réduit l'impossible. C'est bien, mais on ne peut pas le comparer à l'impossible d'il y a 30 ans. Mais Walter Bonatti, moi j'aimerais bien que vous me disiez quels sont les alpinistes et les himalayistes d'aujourd'hui que vous regardez avec intérêt. Je lis sur les journaux qu'ils ont fait ça, ils ont couru à 8000 mètres, ils ont fait les 14-8000 mètres, mais si je vais à regarder au fond des choses, je trouve qu'il y a le business, et ça, alors ça tombe tout, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas le confondre avec l'idéal, avec l'aventure, avec toutes ces choses-là que pour moi, ils ont été très importants. Rarement, je les retrouve aujourd'hui. Pourtant, il y a des gens comme, par exemple, les himalayistes polonais, un garçon comme Kurtyka, par exemple. Ah, non, Kurtyka, je ne le connais pas, mais je suivis Kukuczka. Je l'admire parce que je trouve que c'est peut-être c'est le seul qui vive l'expérience himalayenne aux limites des possibilités d'aujourd'hui. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Walter Bonatti, la signature effacée, notre invité Charlie Buffet, journaliste et éditeur, grand amoureux des aventures en montagne, il a interviewé Walter Bonatti. Bonjour Charlie Buffet. Bonjour. Vous avez été journaliste au Monde et à Libération, spécialiste de l'alpinisme, amoureux des aventures en montagne. Vous avez écrit un ouvrage sur le K2, ce monstre qui culmine à 8611 mètres à la frontière de la Chine et du Pakistan. Et vous avez eu la chance d'interviewer Walter Bonatti en personne. Vous êtes maintenant éditeur chez Guérin Paulsen. On vient d'entendre une archive tout à l'heure. Elle était intéressante parce que Walter Bonatti se montrait critique dans l'approche de l'alpinisme moderne au moment où il s'exprimait, trop de progrès tue l'aventure finalement. C'est ce qu'il disait, est-ce que vous partagez ce sentiment? C'est difficile de ne pas être d'accord avec Bonatti, surtout quand il parle d'aventure, parce qu'il a tellement incarné cette idée d'aller se confronter à l'impossible et de s'y forger une âme, une personnalité qu'on ne peut que l'entendre et j'allais dire se prosterner quasiment devant ce qu'il a à en dire. Ça veut dire que la notion de risque et d'héroïsme, elle est consubstantielle de l'alpinisme. Il n'y a pas d'alpinisme sans audace héroïque ? Sans audace, oui. Héroïsme, ça je ne sais pas du tout. C'est très compliqué la notion de héros. Walter Bonatti est mon héros personnel, mais je pense qu'on lui ferait insulte en pensant qu'il se considérait lui-même comme un héros. C'était quelqu'un qui était très existentialiste, qui se définissait par cette façon de se frotter à la réalité. Et cette histoire du Dru qui est racontée dans la fiction qu'on vient d'entendre est extraordinaire parce que c'est le moment de sa vie où il existe le plus et dans une intensité totalement incroyable. Alors vous l'avez interviewé, vous connaissez donc les contours de la personnalité de cet homme. Qui était-il? Comment était-il? C'était quelqu'un qui vivait avec une extraordinaire intensité, donc on l'a dit, en montagne, mais aussi après 1965, il s'est inventé une autre vie d'aventurier, d'explorateur. C'était quelqu'un d'une intransigeance extrême. Intransigeance avec quoi? Avec lui-même, avec les autres, avec ses principes, qui était fidèle à une vision très traditionnelle, très classique de l'alpinisme. Il voulait grimper comme les pionniers des années 30, et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a senti qu'il avait été au bout de cette démarche, et ben il a fait autre chose. Et dans l'histoire de l'alpinisme, évidemment, il tient une place particulière. Quelle place tient-il? Pour moi, c'est le plus grand, sans aucun doute. Mais ça veut dire quoi, le plus grand? C'est pas une question de performance, c'est comment il a inspiré Et en fait, c'est quelqu'un qui a énormément inspiré et qui continue d'inspirer les jeunes générations d'alpinistes, parce que ce qu'il a raconté, il l'a mis en pratique de façon extrêmement fidèle dans sa vie. Et donc, il y a une cohérence totale entre ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit, ça va au-delà de... Il y a des pages d'un très beau livre qui s'appelle « À mes montagnes », mais il l'a écrit aussi avec le rocher. Dans le souvenir que j'ai, ces échanges que j'ai eus avec lui, il y a ce moment extraordinaire où je l'ai interviewé un peu après l'effondrement de ce pilier Bonatti. Et je lui ai dit, mais alors c'est triste pour toi de savoir que cette histoire incroyable que tu as écrite, elle n'existe plus. Et en fait, il m'a répondu, mais non, mais peu importe. Parce que l'histoire qu'il a écrite, elle est dans les pages de son livre, elle est dans la façon dont il a mené sa vie, dont il a mené cette aventure. Et elle vivra beaucoup plus longtemps que le rocher. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, surtout en tant qu'éditeur de livres, que l'idée qu'un livre et que des pages écrites puissent être plus fortes que du rocher qui s'effondre, ça me plaît bien. Oui, j'imagine. Alors, il y a dans la vie de Walter Bonatti, je dis Walter parce qu'il est italien. Oui. Le W n'existe pas en italien. Il a raison. Mais il y a une affaire sensible. Bah oui, il était trahi, même abandonné en 1954 par d'autres alpinistes dans l'ascension de ce fameux K2 que vous connaissez si bien. 8300 mètres, sans oxygène, sans matériel, sans abri. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette rupture? Ben c'est le moment où la démarche de Bonatti, qui est un très grand individualiste, quelqu'un qui est totalement en accord avec lui-même, qui est exigeant, intransigeant, et il y a un moment où il se trouve confronté au collectif. Et le collectif, c'est ces grosses expéditions des années 1950 où on considère qu'on peut pas aller vers ces grands sommets de l'Himalaya qu'on est en train de conquérir, comme on dit à l'époque, de gravir. On considère qu'on peut pas y aller sans faire des camps d'altitude, sans avoir des grosses équipes, des porteurs, beaucoup de matériel, des tonnes et des tonnes de matériel. Voilà. Et ça suppose qu'il y ait des grosses équipes. Et l'individu Bonatti, dans cette grosse équipe, il a du mal, il trouve sa place petit à petit, mais il a un peu du mal. Et ça prend une dimension absolument dramatique, ce 30 juillet 1954, la veille du sommet, où Bonatti, dans son rôle d'équipier fidèle et efficace, monte de l'oxygène pour ses deux compagnons à l'endroit où ils ont prévu d'installer le camp. Et quand il arrive à l'endroit où le camp devait être installé, il voit rien. Et il appelle ses compagnons, il appelle, la nuit tombe, il appelle, personne ne répond. Et ses compagnons, ils ont fini par l'avouer, par me l'avouer quand j'ai été les interviewer, enfin l'un des deux, très longtemps après, ils ont caché la tente volontairement, parce qu'ils ont considéré que si Bonatti arrivait jusqu'à la tente, il allait arriver au sommet avant eux. C'était complètement loufoque, parce que il avait fait un tel effort pour monter des bouteilles d'oxygène qu'il n'aurait pas été en état d'aller au sommet le lendemain, mais c'était cette espèce d'esprit de compétition, donc de collectif qui se transforme en esprit de compétition très malsain, qui a pris une tournure absolument criminelle. C'est ce que m'a dit Walter. Hein. Il dit, c'est Walter, c'est un homicide manqué, ce qu'ils m'ont fait. Ils ont planqué la tente pour éviter que lui ait une chance d'aller au sommet. Mais ce faisant, ils l'ont contraint à un bivouac, à l'air libre, à plus d'une mètre d'altitude, avec un porteur balti qui, lui, y a laissé ses pieds. Walter, avec sa constitution et son expérience, a survécu. Il aurait dû mourir, il me l'a dit. Il aurait dû mourir cette nuit-là. Il a survécu et ça l'a plongé dans des affres de désespoir et dans une... Il a perdu la confiance en l'humanité ce jour-là. Mais ça se comprend un peu. on imagine mal cet esprit-là chez les alpinistes. Alors peut-être un sujet un peu naïf ou rêveur. Mais moi j'imaginais que quand on partage la même passion, qui est une passion naturelle, écologique aussi, hein, gravir une montagne, pas conquérir une montagne. La montagne n'a pas besoin d'être conquise. Mmh. On la gravit, c'est déjà pas mal. Bah, je pensais qu'il y avait un esprit. On a entendu tout à l'heure Walter parler du business et de ce qui se passe en Himalaya. Ce qui se passe en Himalaya dans les années 50, quand on dans cette phase de conquête, et aujourd'hui dans cette phase de conquête commerciale où des clients s'offrent des sommets, c'est pas de l'alpinisme. C'est-à-dire qu'en fait, la passion de l'alpinisme, c'est l'idée qu'on va se mesurer à des montagnes et que on se met en danger. Et c'est impossible de séparer ça de l'alpinisme. On se met en danger, on prend des risques, on va à l'aventure et on y va par amour des montagnes. Et là, on y va en 54 pour les Italiens, aujourd'hui pour des clients, par esprit de conquête personnelle, par esprit de conquête tricolore, quelles que soient les couleurs des drapeaux. Et ça, c'est pas l'essence de l'alpinisme. Ouais, et Walter Bonatti s'est retrouvé en conflit brutal, violent, avec cette vision-là. Lui qui a toujours pratiqué un alpinisme de passion. Bien sûr. Charlie Buffet, on se retrouve dans 3 minutes. On va continuer de parler de Walter Bonatti. Message codé, tout frais, tracé sur la paroi. Qui s'est donc bien appliqué? Comme pour me faire renoncer. Qui donc es-tu, toi l'inconnu dans le brouillard? Le temps maussade rend l'escalade de la montagne plus compliquée que prévu. Des avalanches, c'est bien connu. Et la nuit tombe, je pars en trombe pour le bivouac. La mare aux cheveux pointe vers les cieux là-bas au nord. Silhouette est découpée. Le donjon de sa majesté ou d'une princesse empoisonnée. Autour du feu, je divague un peu et puis je dors. Dans mon sommeil, le narrateur compte des histoires. Ascension inachevée. Charlie Buffet, je reviens sur le K2, puisque vous avez écrit un livre sur l'histoire des expéditions sur ce sommet. Peu se sont déroulés normalement ou tout à fait normalement. C'est un sommet maudit. Qu'est-ce qu'il porte comme histoire? Alors moi, mon livre, j'ai appelé « La folie du K2 », mais je ne crois pas aux montagnes maudites. On a pensé longtemps que les montagnes étaient maudites. D'ailleurs, il y a un sommet qui s'appelle Mont Maudit dans le massif du Mont Blanc. Je crois que ce que les hommes trouvent sur les montagnes, c'est ce qu'ils viennent y chercher. Et le K2 est un révélateur de folie parce que c'est le deuxième plus haut sommet du monde. Mais contrairement à l'Everest, il n'a pas de voie facile. L'Everest, on a fini par trouver deux voies faciles qui aujourd'hui sont équipées de cordes fixes de haut en bas, et sur lequel on peut grimper en relative sécurité, avec l'aide de Sherpa, d'oxygène. Bon. Le K2, ça commence tout juste maintenant, mais pendant très longtemps, c'était la montagne où c'était impossible de faciliter les choses. On n'arrivait pas à mettre des cordes fixes, il y a des conditions météo qui sont très dures. C'est un massif qui est un peu différent, qui s'appelle le Karakoram, qui est avec une météo plus brutale, plus exposée aux dépressions que le reste de l'Himalaya. C'est une montagne très difficile, très raide partout. Et donc, ça crée des histoires extraordinairement intenses. Pour moi, c'est un théâtre grec, c'est cette montagne. C'est un théâtre des passions, c'est un endroit où il se passe des choses à toutes les époques. Depuis la première expédition en 1902 jusqu'à aujourd'hui encore, il se passe des choses totalement incroyables. Alors, Bonatti, Walter Bonatti, on l'a dit, avec le K2, il y a eu des problèmes humains graves, il a été trahi, vous l'avez expliqué, mais il avait aussi, heureusement, des amis, des compagnons, dont Pierre Mazeaud, qui disait qu'il lui avait sauvé la vie lors d'une ascension. Vous racontez-nous. Ça se passe en 1961, sur le pilier du Fresnay. Pierre Mazaud est parti faire cette grande première, une des dernières grandes premières du massif du Mont-Blanc avec trois jeunes compagnons qui sont des jeunes alpinistes. Mazaud a toujours grimpé avec des jeunes compagnons, a toujours été un alpiniste très actif, hein, jusqu'à ce qu'il soit un peu pris par d'autres responsabilités. La politique, notamment. Et il croise par hasard Walter Bonatti avec deux compagnons, dont un client. Il se croise au petit bivouac de la Fourche et il décide logiquement de faire cordée commune la France-Italie. Walter s'est toujours considéré comme à moitié français. Tout le monde, c'est des gens ouverts. Donc, ils partent à 7 vers ce pilier du Fresnay. Ils font une magnifique ascension qui aurait dû être une très belle première, mais arrivé à quelques dizaines de mètres du haut du pilier. Donc, c'est un pilier vertical, le pilier du Fresnay. Granit, très compact, très vertical. Donc, une voie très difficile et la plus haute d'Europe. Ils sont saisis à cet instant où ils vont sortir de cette très belle voie par une tempête incroyable. Et qui est une tempête qui est, il y a des, ça se déchaîne dans les ports bretons, il y a des bateaux qui font naufrage, donc c'est une très grosse tempête. Et ce petit groupe va se retrouver piégé, donc près du plus haut sommet d'Europe, et va entamer une descente absolument tragique. Petit à petit, les compagnons, en commençant par les plus jeunes, vont mourir les uns après les autres. Et Walter Bonatti va être celui qui sauve ceux qui ont pu être sauvés, parce qu'il va devant, il ouvre la voie, il fait la trace dans une neige qui lui arrive jusqu'à la poitrine, et il finit totalement épuisé par amener les derniers survivants jusqu'au refuge où il va à la rencontre des sauveteurs. Mazaud a été retrouvé par ses sauveteurs au moment où il était vraiment sur le point d'y passer. Il était au bout de ses forces, complètement épuisé. Un autre, Johnny, et un autre Italien a été sauvé. Mais les quatre autres alpinistes, dont les trois jeunes compagnons de Mazaud, sont morts dans cette tragédie. Voilà, c'est le drame du Fresnay. L'amitié qui s'est nouée entre Bonatti et Mazaud a été forgée là. L'affaire de leur vie, et elle les a accompagnés toute leur vie, jusqu'à la mort de Walter en 2011. On comprend, oui, quand une amitié commence dans ces circonstances, elle est forcément très forte. Dans une interview, Walter Bonatti dit, enfin il parle, de, je le cite, hein, de ses doutes dans l'ascension du Cervin, et lorsqu'il atteint le sommet, tout semble irréel. Il vit alors, dit-il, quelque chose de divin. Est-ce que dans ce genre d'aventure, il y a quelque chose de métaphysique ? De métaphysique, oui. Il était en perpétuelle recherche de cette confrontation avec la nature dans ce qu'elle a de plus puissant et essentiel. Et quand il a fait le tour de ce qu'il pouvait trouver de cette confrontation en montagne, il a été le chercher ailleurs, en allant dans des jungles, des déserts glacés, en Antarctique. Enfin, il était partout sur la planète pour communiquer à ses semblables les beautés de la planète. Voilà, eh bien nous avons fait connaissance grâce à cette fiction et grâce à vous, Charlie Buffet, avec Walter Bonatti, et ça valait le détour, ça valait l'ascension. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Walter Bonatti, la signature effacée. Une fiction écrite et réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, YouTube Diego Aclopez.